até domingo, só contigo. Sexta-feira à noite, lá vou eu, te ir com quem me ama. Sexta-feira à noite, tudo meu. É fim de semana, vou, eu vou. Bonjour à tous et à toutes. Et surtout aux petits vénards qui sont déjà en week-end. Bien sûr, n'oublie pas les autres qui le vont être aussi. Donc voilà, on est le vendredi 3 mars et il est 17h10 sur Radio Arc-en-Ciel et vous êtes avec Manu. Donc 2 heures ensemble, de 17h à 19h dans l'émission Découverte. Et vous pouvez nous écouter sur la station 96.2 FM, mais aussi sur le site internet www.radio-arc-en-ciel.fr. Et on commence tout de suite avec Agatha Volte, Volte a me appassionare. Agora estou perdida no teu fado. Nunca pensei que poderia amar de novo. És fogo, lindo demais. Moreno, és minha sorte, eu quero mais. Juntos bailaremos toda a noite. Voltei-me a apaixonar, voltei de novo a amar, perdida no apaixonar, voltei passar férias em Portugal. Vou ir ao norte, vou ir ao sul, trazer um sonho à vida real. Banhar nas águas do mar azul, vou ir à festa na minha aldeia. A velha banda que vai tocar, fazer serão depois da ceia. Velhas histórias vão me contar. Alô Portugal, terra encantada de berço onde nasci, onde eu amei, onde brinquei, onde vivi, onde um dia hei de voltar. Alô Portugal, bem sei que um dia o nosso branco te abanei, porque o destino eu conto e eu emigrei, mas nunca te deixei de amar. A minha aldeia, o meu torrão, quero ver de novo a velha barragem, dar um abraço no meu irmão, que hoje me resta uma miragem. A velha casa onde eu nasci, será que a qual não existe mais? Tantas saudades tenho de ti, eu já não posso esperar jamais. Querem mandar, ai como adoram o nome. Ai, basta, basta, dá-lhes um miminho, ficam tão doidinhos sempre atrás de nós. Ai, basta, basta, falar os dedos. Ai, basta, basta, ai, basta, basta. Ai, basta, basta, dançar com eles. Ai, eles ficam loucos, loucos da paixão. Que estava à minha frente um homem lindo de encantar. Teu olhar é envolvente, teu sorriso é tentador. Tua boca é tão perfeita que eu estou a morrer de amor. Ai amor, tens que ser meu, não posso facilitar. Um pãozinho tão gostoso, toda a gente quer provar. Ai amor, tens que ser meu. Avec Johnny Abreu, Mèche et Remèche. Donc je l'ai dédié à mon ami Alberto, là, qui je pense qu'il est déjà en week-end, mais partout où il est, je sais qu'il a sa radio derrière lui, donc doit écouter. Donc allez, c'est Johnny Abreu. Era bem boa, parecia um monumento. Eu tentei mexer na moça sem o seu consentimento. E eu lá ia remexendo, remexendo. Mas a mexer assim é que eu a entendo.

אשר העלווה, אשר הישבועה, אשר הבא, רז'ת אינסון. אשר העלווה, אשר הישבועה. Olá, é o Marquito na Rádio Arco-Íris. 96.2. Fica atento na Rádio Arco-Íris. Tento entender a maneira que eu te perdi. Olho do meu lado e não te vejo, mas eu tenho a impressão que ainda estás aqui. Pai, vou te guardar pra sempre em mim. Meu amor é uma luz que não tem fim. Vou seguir os teus ensinamentos. Você foi um grande ser humano, um grande exemplo. Bom pai, bom filho, bom irmão, grande amigo, um imenso. Quanta falta faz teu cheiro, teu abraço, teu olhar. Mas agora estás com Deus e um dia a gente vai se encontrar. Sofro, levaste a minha alegria quando foste embora. Sei que não te fui fiel, mas peço que tu voltes.

só ranha, ranha, ranha, nunca está calada. Esta mulher só ranha, ranha, ranha, por tudo e por nada, por tudo e por nada. Esta mulher só ranha, ranha, ranha, nunca está calada. Poursuivre avec Luis Felipe Reyes, au coupable fui eu. É difícil saber que te vais. Eu sei bem que não me queres mais. Pois eu fui o culpado por este amor acabar. Se pudesse voltar para ti, juro que te fazia feliz. Dá-me mais uma chance para te reconquistar. Se voltasse atrás no tempo, era o homem mais perfeito, sem ciúme ou medo de te amar.

Eu e o Jorge Guerreiro vou alugar um quarto. Donc Jorge Guerreiro qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le 22 avril à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Et justement, j'ai un invité, un ami. Un invité qui s'est imposé au micro, c'est non, ça? Non, non, non. Au contraire, ça me fait plaisir de te recevoir et de te voir. Donc voilà. On va voir, oui, Jorge Guerreiro le 22. C'est ça, 22 avril. 22 avril. Donc, 22 avril, oui. Salle des fêtes, une organisation Radio Arc-en-Ciel, la seule, hein, qui a jusque-là. Voilà, comme radio, il n'y en a qu'une dans le Loiret, c'est Radio Arc-en-Ciel. Donc Radio Arc-en-Ciel qui est toujours à vos côtés, bien sûr, qui organise ces événements, hein, comme vous savez. On vient d'en organiser un avec Talk & Dance, un immense succès. Qui a très bien marché, voilà. D'ailleurs, merci à tous ceux qui étaient là-bas, merci à nos sponsors, à nos bénévoles, et à tous ceux qui sont venus, d'ailleurs, qu'ils ont pu se rendre compte par eux-mêmes que vraiment, il y avait du monde. Et ils ont fait un beau spectacle. Alors là, on a l'orchestre Capanègre qui va être avec nous pour nous faire danser. Voilà, oui, Capanègre, oui, c'est ça, qui seront avec nous, oui. Et Jorge Guerreiro, avec tous ses succès, il a commencé à chanter en 2009. Donc, il est né en 1981. Alors, 1981, ouais, hein, il a 40 et quelques années. Oui, il a 40, 41. 41 ans, ouais. Ouais, c'est ça, 41 ans. Il a déjà fait le concours du Festival de la Chanson. Mmh. Quand la chanson I Lisboa, ouais, il y a quelques années, en 2010, et il a sorti des 5-6 albums, donc c'est un chanteur qu'actuellement, voilà, il est au top. Hein. Il passe sur pas mal de chaînes comme la TVI, la SIC au Portugal en ce moment, c'est vrai qu'on le voit régulièrement, pour ceux qui suivent un petit peu le dimanche les émissions sur la SIC et sur la TVI. Oui, dans tous les programmes pratiquement, parce qu'il emmène des audiences, hein, donc c'est pour ouais, ça oui, que... C'est vrai, c'est quelqu'un qui tourne pas mal, c'est vrai, oui. Il a fait la maison où ils sont fermés, Big Brother, oui, exactement. En 2022, mmh. Il est arrivé deuxième, donc c'était une place assez qui l'a fait encore plus évoluer. Hein. Plus évoluer, plus se faire connaître, quoi. Et donc nous, on a voulu emmener quelque chose qu'il n'a jamais venu. On va le découvrir, et puis. Faut savoir que voilà, Radio Arc-en-Ciel, l'objectif de Radio Arc-en-Ciel et puis surtout on peut dire c'est son devoir, c'est justement de faire venir de différents, pas toujours les mêmes, différents chanteurs, des jeunes, des connus, des pas connus, des moins connus, qui soient dans le mouvement, on essaie de qu'ils soient dans l'actualité, voilà. Donc Radio Arc-en-Ciel c'est toujours a toujours fait ça en fin de compte. On travaille avec les maisons de disques du Portugal, c'est eux aussi qui nous donnent les indices, hein, qui faut emmener, qui marche, qui marche pas. Donc après ça marche pas, mais oui, voilà, c'est... Après, on aime pas, mais nous on se doit justement pour faire connaître ces jeunes chanteurs qui démarrent, on doit l'obligation de les faire connaître au public, quoi. Donc ça c'est le rôle d'une radio, quoi. Bah lui ça fait quand même 20 ans qu'il traîne. Mais, je crois que c'est la première fois qu'il vient sur Orléans. Sur Orléans, oui. Comme au Talk & Dance, ça c'était pareil, c'était la première fois qu'il venait sur Orléans. Un groupe qui est super sympa, ils se sont donnés à fond sur le podium, en tout cas. La prochaine date de Radio Arc-en-Ciel, organisateur d'un bal, ça sera le 22 avril à la salle de Montition, avec bien sûr le groupe que tout le monde connaît de la région, Capanègre. Oh, c'est bien le 22 avril, pardon. Non, c'est le 22. Nous c'est le 22 avril parce que des fois on nous demande, mais là c'est bien le 22 avril. Par contre, bien sûr il y a de la restauration sur place parce que souvent on nous demande est-ce qu'on peut sur le dernier bal là c'est vrai qu'on nous demandait est-ce qu'on peut venir manger tout ça. Bien sûr. Alors il y a de la restauration sur place, hein, buvette. Mais là on évolue. On a fait des nouveaux trucs qui ont plu d'ailleurs. Petites planchas avec de la charcuterie. Voilà, fromage. On a fait des planchas, des trucs comme ça et ça a été demandé. Et ça a été apprécié, je crois. Pour vous dire, c'est qu'on pense doubler ce qu'on a fait. On va le doubler pour la prochaine fois, tellement que ça a bien marché, parce que c'est demandé. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Hein, pour ceux qui veulent venir et puis qui n'ont pas le temps. Et puis ce qui a très bien marché, c'est comment ça s'appelle, Noas Bifanas. C'était pas Bifanas, c'était le. Si, il y a la Bifanas. On a eu la Bifanas, qui ont bien marché. Ça a d'autres noms. Voilà. Aidez-moi. Tu vas le trouver. D'ici la fin, tu vas le trouver. Donc voilà, non, rassurez-vous. Voilà, vous pouvez venir. Il rade quoi. La Bifanas, la Bifanas. Si, il y a la Bifanas. Après, on a innové un petit peu. On a fait les planchas. C'était de la charcuterie, du fromage, tout ça, quoi, qui ont très bien marché. Les Welsh, comme d'habitude. Bah, bien sûr, comme d'habitude. Tout ce qu'on avait déjà avant, on le garde. Et certainement, il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres choses pour la prochaine fois. On vous en parlera plus. Voilà, donc. Pour ceux qui ont peur de ne pas avoir à manger, il y a à manger et à boire sur place. Vous pourrez venir à partir de 20, 20h30, de toute façon, ouais, 20h30. Bon, s'il y a des gens un peu avant, on ne les laisse pas dehors. Mais enfin, on a le temps de dire aux gens, c'est que le 22 avril. Hein, voilà, c'est le 22 avril. Là, vous avez encore. Vous pouvez temps, déjà marquer dans votre agenda. Hein, ouais. En tout cas, faut réserver. Salle Montition, 22 avril. Oui, 22 avril. Oui. C'est dans à peu près dans moins de 2 mois. Ouais. Voilà. Donc réservez déjà cette date pour le 22 avril avec ou Georges Guérin, donc et Capanègre à la salle des Montitions à Saint-Jean-de-Blanc le 22 avril. Donc, et on est déjà en train de préparer la Saint-Jean. Et on prépare de la. Tu veux dire 2-3 mots sur la Saint-Jean? Oui, sur la Saint-Jean, ça, la date normalement c'est acquis, hein. Oui, normalement on a eu un mec comme quoi. Donc la date c'est le 1er et le 2. Le 1 et le 2 juillet. On a eu la confirmation des médias. Voilà, de mairie, on peut déjà parler de la date parce qu'on a eu la confirmation. C'est pareil, on va essayer d'innover. Alors là. On a déjà des artistes, on va pas les annoncer. Voilà, on va pas les annoncer tous. On va laisser le suspense. Et il y a des grands artistes, hein, variés, encore une fois. Il y a un beau plateau, hein, d'artistes, hein. Il y a un beau plateau d'artistes, donc c'est pareil, il y aura des... Comme quoi, Arc-en-Ciel vous chouchoute, on va dire, hein. Voilà, c'est, en fin de compte, voilà, pour les gens qui... Alors, soyez fidèles. Voilà, devenez adhérents de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, ça nous aide justement à pouvoir organiser des choses comme ça, parce que c'est beaucoup de travail, vous rendez compte. C'est dans 4 mois à peu près. Ça fait 2-3 mois qu'on y travaille. Hein. On y travaille depuis janvier déjà. Depuis à la mairie, on a déjà eu plusieurs rendez-vous avec les artistes, Non, c'est du travail à organiser une fête de la Saint-Jean. C'est beaucoup de travail. Notre ami Alberto, il a déjà quelques sponsors aussi bien pour avril que pour la Saint-Jean. Donc, tous ceux qui veulent devenir sponsors, que ça soit pour soi, pour un bal en salle, c'est-à-dire qu'on fait trois événements en salle. Plus le grand événement qui est en dehors. Donc, pour ceux qui veulent devenir sponsors pour cet événement, n'hésitez pas à nous contacter. Je sais pas si t'as le numéro de téléphone. Ils peuvent appeler pendant la semaine. Il y a notre secrétaire, hein, du lundi au vendredi. Nous avons une secrétaire maintenant. Exact. Ils peuvent appeler, hein, à partir de 9h jusqu'à midi et de 14h jusqu'à 18h, hein. Ouais, c'est ça. Et donc, vous pouvez faire, c'est le 02 38 43 50 09 et donc là vous avez l'administration, vous avez directement l'administration, vous tombez pas sur les animateurs avec ce numéro là vous non. Tombez directement au secrétariat, voilà, et notre employé qui est là, donc ça se fera un plaisir de vous expliquer. Donc voilà, si vous voulez devenir soit adhérent, hein, soit avoir un stand pour la Saint-Jean, cette année on va sûrement mettre des restaurations, c'est pas encore du 100%. Mais il y aura sûrement de la restauration avec des restaurants. Il y aura. Voilà, on fait appel, voilà, des gens qui, s'il y a des gens qui veulent même s'inscrire pour pouvoir, peuvent nous appeler aussi à ce des restaurants, des stands. Voilà, pour avoir des stands ou même un stand à restauration. Hein. Un stand de paella, un stand de. Ouais. Donc on est en train de. On est preneurs. Voilà, on est en train de travailler sur tout ça. Donc, ça sera carrément une Saint-Jean différente, plus accueillante peut-être, et peut-être un peu moins de boulot pour nous, quoi. Pour nous, parce que voilà, il y avait beaucoup de travail, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, une grande organisation, qui n'est pas facile sur 2 jours. Alors 2 jours, c'est, on dirait presque 3 jours, parce qu'il faut préparer. On était plus de 50 bénévoles, hein, pratiquement. Ah, oui. Plus de 50 bénévoles, ça se prépare sur 3 jours, parce que vous avez le vendredi soir, faut commencer déjà à tout préparer, le samedi, faut aller tout monter, après vous avez le samedi soir la soirée, le dimanche, pareil toute la journée, et le lundi, aller tout ranger, tout nettoyer, donc c'est un très très grand chantier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de vous comme sponsor ou comme même comme adhérent, quoi. Donc si vous voulez devenir adhérent déjà de Radio Arc-en-Ciel, c'est 20 euros, hein, par an. Ça représente quoi? C'est un café. C'est une manière d'aider l'association, hein, de. À savoir que voilà, que vous, tout cet argent-là, vous inquiétez pas, elle est réinvestie dans la radio, hein. Cet argent-là ne part pas à droite à gauche. Elle est réinvestie. Quand il y a du bénéfice, bien sûr, ça sert à entretenir les locaux. Bah là, on va faire un gros investissement. C'est une table de. Notre table qui commence à vieillir, notre console avec laquelle justement aujourd'hui je suis en train de parler là. Donc il va falloir qu'on la change et c'est un très très lourd investissement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il y a les frais, hein, les charges qu'on a, électricité, bah, charges, c'est ça. Voilà, c'est juste pour vous dire, l'argent, où est-ce qu'elle passe? Les impôts fonciers. Voilà, donc l'argent que la radio voilà, qui organise et qui reçoit justement de ces événements-là, elle est réinvestie dans... Bah, dans tous les adhérents, de toute façon, ils connaissent les comptes hein, dans l'Assemblée. Ah, bien sûr ça, et puis il n'y a rien qui n'échappe, on a un bon comptable, et en plus, voilà, une fois par an, on a une Assemblée où tous les comptes sont présentés. Là, il y a rien, on cache rien. Donc voilà. Donc encore une fois, pour tous ceux qui veulent devenir sponsors, donc vous pouvez appeler, comme je vous ai dit, hein, au 02 38 43 50 09. Ou ce soir, ou même là, ce soir, vous pouvez appeler, même là, au 02 38 40, 02 38 43 50 09. Donc ça, c'était pour les gens qui veulent aider la radio pour être sponsors, pour nos événements, pour nos balles et pour notre 7 Saint-Jean, qui est une très grande fête. Et aussi, c'est une manière aussi de faire connaître votre entreprise, hein, parce que si on se fait pas connaître, on vend pas. Moi, j'ai une entreprise, je faisais de la pub. Hein. Oui, oui, voilà. Après, voilà, ça aide dans les deux sens, on va dire. Ça aide dans les deux sens. En plus, c'est déductible des impôts. C'est tout à fait. Normalement, c'est déductible des impôts, tout ça. Donc, n'hésitez pas à aider Radio Arc-en-Ciel en devenant adhérent ou sponsor. Et je pense que la plupart des Portugais qu'il y a sur le Loiret, bien sûr, je parle du Loiret, mais bien, il y a bien sûr autour, parce que notre radio en FM, elle émet jusqu'à à peu près, on va dire, 45 kilomètres à la ronde. Par contre, sur le FM, voilà, c'est mondial. Sur le net. Oui, excusez-moi, sur le net, voilà. Donc, mais rien que sur la région d'Orléans, j'en suis sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de Portugais qui écoutent, parce qu'on a beaucoup d'appels, des fois, des Portugais qui nous appellent pour nous féliciter. Maintenant, chantier, enfin, et pas seulement, quand on est à la maison en train de refaire le repassage, le ménage, du jardinage, on emmène son petit poste. Maintenant, on l'écoute souvent sur avec notre téléphone. Sur le téléphone, bien sûr. Quand on n'a pas de poste, donc. Mais moi, j'ai même été étonné, je vais vous dire, j'ai un oncle qui aujourd'hui est âgé, qui m'a dit qu'il est adhérent de la radio depuis, et je savais même pas. Mais il me dit, mon pauvre, je suis même avant qu'il soit déjà. Donc ouais, en fin de compte, on pense qu'il y en a pas, mais il y a beaucoup de gens qui écoutent notre radio. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Donc, et puis on est une compagnie, hein, on est un soutien pour certaines personnes qui nous appellent, qui nous disent heureusement que vous êtes là, vous nous encouragez, vous nous faites passer le temps, vous êtes notre deuxième famille. Et ça fait plaisir. Pour ça que on est là toutes les semaines, on est là, fidèle au rendez-vous. Tous les animateurs, un grand merci d'ailleurs à tous nos animateurs, parce que c'est pareil, hein, c'est pas facile, vous savez, de parler dans un micro. Moi-même, que voilà, je fais une émission le vendredi, que vous m'entendez pas beaucoup aujourd'hui, vous m'entendez un peu plus, parce que j'ai mon ami Lionel qui est en face de moi. Et moi, je suis plus à l'aise en portugais qu'en français, en tout cas, mais. Moi, c'est plutôt le contraire. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'être animateur, vous savez, voilà. Pour être animateur, je sais ce que c'est. Donc moi, on tire le chapeau à tous ceux qui ont fait l'effort, qui font les efforts de faire leurs émissions, d'être présents, que ce soit les matins ou les après-midi. C'est pas toujours comme on veut, mais ils sont là, fidèles. En tout cas, ils sont là et on reçoit des coups de téléphone pour nous remercier ou les remercier, ces gens-là. Comme tu disais tout à l'heure, ils apportent quelque chose, voilà, dans les foyers. Donc voilà. Donc là, on a tout dit, je pense. Ouais, on a dit pas mal de choses. Passe à la musique, alors. On va passer à la musique. Mais donc, n'oubliez pas déjà, retenez bien cette date, hein, le 22 avril, ouais. À partir de 20h30 à la salle de Montissu. Jusque-là, il n'y a rien organisé par Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel n'organise rien à part jusqu'au 22 avril. Donc, 22 avril avec Georges Galero et Capanegre à la salle de Montissu. Voilà, donc, tout à fait. On écoute encore une petite chanson avant que je rende l'antenne à mon ami Albino qui va arriver. Donc allez, on poursuit avec João Robalinho et Minha Rosinha. Je sais pas si tu connais, Lionel. Non, mais je vais découvrir, comme nos auditeurs, certainement. C'est parti. Oh, minha Rosinha, eu hei de te amar de dia ou de noite ao luar. De noite ao luar, de noite ao luar, oh minha rosinha, eu hei de te amar. Oh minha rosinha, eu hei de ir jurar a verdade que eu não sei mentir. Que eu não sei mentir, que eu não sei mentir. Oh, minha rosinha, eu hei de ir, hei de ir. Oh, minha rosinha, eu quero entrar em teu peito, formar um castelo. Entrar em teu peito, formar um castelo. Oh, minha rosinha, eu quero de dia ou de noite ao luar. De noite ao luar, de noite ao luar. Oh, minha rosinha, eu hei de te amar. De noite ao luar, de noite ao luar. Oh, minha rosinha, eu hei de te amar. Quase tudo foi demais. Nem quase officiel au 02 38 43 48 00. Da Austrália ao Japão, mas só a portuguesa tem tão bom coração. Andei pela América e pelo Canadá, mas como a portuguesa eu não encontrei por lá. Fui a França e à Suíça e fiquei com a certeza, por mais belas que sejam, não há como a portuguesa. Ela tem um encanto natural, como a mais bela flor que nasce em Portugal. A mulher portuguesa tem o brilho do sol, a mulher portuguesa tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol, a mulher portuguesa tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. Mulheres bonitas da Austrália ao Japão, mas só a portuguesa tem tão bom coração. Andei pela América e pelo Canadá, mas como a portuguesa eu não encontrei por lá. Fui a França e à Suíça e fiquei com a certeza, por mais belas que sejam, não há como a portuguesa. Ela tem um encanto natural, como a mais bela flor que nasce em Portugal. A mulher portuguesa tem o brilho do sol, a mulher portuguesa tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol, a mulher portuguesa tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol, a mulher portuguesa tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol, a mulher portuguesa tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol, a mulher portuguesa tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. h 56 sur Radio Arc-en-Ciel. Et oui, voilà, l'émission arrive à sa fin. On va terminer avec José Mayo. C'est El Apretar, Vai Dançar. Donc, pour ma part, je vous donne rendez-vous que, voilà, je vais m'absenter quelques semaines. Donc, je vais être absent, à peu près jusqu'autour du 20, on va dire, ouais, jusqu'au, je sais pas trop encore, jusqu'au 14, 20, 20 avril, à peu près. Donc, on essaiera de vous mettre quand même des musiques, pour pas qu'on ait tout le temps à écouter voilà RDP. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon week-end ou un bon fin de semaine à tous. Merci de m'avoir écouté pendant ces deux heures. Je vous laisse juste après avec l'émission Mavrika et bien sûr avec votre animateur préféré, Albino. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous. Bon fin de semaine. Vai dançar, aperta e vê como é. Se ela apertar, vai dançar. Bate as mãos e bate o pé, bate as mãos e bate o pé. Bate ao som desta canção. Tu vais apertar com ela no meu baile de verão. Bate